L'effrayante aventure, troisième partie, chapitre 2, angoisse du lendemain. L'effet produit dans Paris par cette catastrophe fut énorme. Ce fut un déchaînement de malédictions contre l'administration, coupable de n'avoir entouré l'opération d'aucune des précautions qu'indiquait la plus vulgaire prudence. En dépit de toutes les dénégations, la légende se formait que, par raison d'économie, on s'était refusé à exécuter des travaux d'étayage et de soutènement que le malheureux Sir Russell avait réclamés. « C'est un véritable assassinat !» criait le reporter. « Vit-on jamais pareil incurie ? Que faisait pendant ce temps le service de la voirie ? Pourquoi n'avait-on pas convoqué les sapeurs du génie ? Comment, pour le moindre incident sur la voie publique, on n'hésite pas à mobiliser les pompiers, et cette fois, quand il s'agissait d'un travail énorme, dont évidemment un seul homme ne pouvait se charger, on avait montré une insouciance criminelle. » Puis c'était la préfecture de la Seine qui était visée. Les sous-sols de Paris lui étaient-ils donc inconnus ? À quoi servaient les cartes et des graphiques publiés à frais énormes aux dépens des contribuables ? En étions-nous réduits une fois de plus à devenir la risée de l'Europe ? Le nouvelliste paraissait encadré d'un double filet noir. Car si La Bergère était un de ses rédacteurs, sa biographie occupait trois colonnes de la première page. Bobby ne lui appartenait-il pas aussi par le zèle avec lequel le journal l'avait défendu contre les inqualifiables attaques d'une presse brutale et mensongère? En fait, tout le monde n'avait-il pas sa part de responsabilité, depuis le ministre qui avait autorisé, avec quelle facilité, la téméraire tentative d'un homme dont la compétence n'était affirmée que par lui-même? Et que dire de ces prétendus savants qui avaient accueilli avec une légèreté coupable les affirmations les plus chimériques et avaient permis qu'un homme risquât sa vie sans les avoir soumises à aucune épreuve préalable? Ah, ils avaient cru à la toute-puissance du vrillium. Ces libres penseurs avaient eu la foi. Cette foi, c'était bien la faillite de la science. Il était évident que ce malheureux random n'était qu'un fou qui, par quelques tours de passe-passe, avait su leur en imposer. La prétendue dissociation du bloc de marbre n'était qu'un truc de prestidigitation auquel tous s'étaient laissés prendre, jusqu'au préfet de police, qui pourtant n'était pas un naïf. Ce désastre avait eu son contre-coup à la Chambre des députés. Le leader de l'extrême-gauche avait, pour ainsi dire, bondi sur le cabinet, enveloppant dans la même réprobation tous les services, y compris la guerre, la marine et les travaux publics. Qu'attendre de gouvernants qui ne savaient même pas défendre le sol d'un quartier de Paris ? Aujourd'hui, c'était une parcelle du 19e arrondissement qui disparaissait dans l'abîme. Demain, ce serait la France tout entière. Applaudissements à l'extrême gauche et sur les bancs de la droite, l'orateur revenant à son banc et vivement félicité. Il ne fallut rien moins que toute la souplesse, toute l'onction, assaisonnée d'ironie, du chef du cabinet pour résister à l'attaque. Reprenant la célèbre métaphore du bloc, il le montra se dressant, robuste et sans fissure, pour soutenir l'édifice superbe de notre pays. « Qu'importe, s'écria-t-il, des paroles amères à nous adresser, qu'importe ces attaques injustes auxquelles nous n'opposons que l'impassibilité des consciences fortes et sûres d'elles-mêmes. Sont-ce donc des mots qui sauveront les malheureux engloutis ? Est-ce parce que nous aurons laissé échapper de nos mains ces portefeuilles dont certains sont si friands que le sol s'entr'ouvrira pour rendre ses victimes ? Nous acceptons toutes les responsabilités, sans hésiter, d'un cœur ferme, parce que nous sommes prêts à en assurer d'autres, c'est-à-dire toutes les mesures déjà prises et à prendre pour l'œuvre difficile du salut des trois hommes, des trois martyrs de la science. » Acclamations sur les bancs de la gauche et du centre, l'orateur revenant à sa place est vivement félicité. L'ordre du jour de conférence fut voté à une majorité de 293 voix. Mais pendant ce temps-là, on travaillait. Toute la cohorte des ingénieurs parisiens avait été mobilisée. Des puisatiers, des égoutiers, des maçons, des terrassiers avaient été appelés sur les lieux. car bien qu'on ne conservât plus aucun espoir de sauver les engloutis, il fallait bien, pour satisfaire l'opinion, accumuler toutes les preuves possibles de bon vouloir. Voilà quel était maintenant l'aspect du terrain. Un trou, un large trou, un immense trou ayant une profondeur de 12 mètres, un pourtour de terre et de caillasse, presque à pic et semblant en équilibre plus qu'instable. Au fond du trou, un amas de débris sans forme et sans consistance qui semblait s'affaisser de moment en moment. Ensevelis sous cette masse, les malheureux n'avaient pas même dû souffrir. L'écrasement, et c'était un véritable bonheur, devait avoir été immédiat, instantané. Restait-il une chance quelconque de les arracher à leur sort, très probablement accompli depuis la première minute? Pas un des ingénieurs qui ne se fût hasardé à répondre par l'affirmative. Bien plus, étant donné la nature du terrain, il était certain que tout travail tenté ne pouvait que déterminer de nouveaux éboulements et par conséquent augmenter la masse des matériaux sous laquelle les victimes n'agonisaient même plus. On décida que l'impossible serait tenté. Un étayage solide serait établi pour contenir les parois du gouffre, puis on installerait une sorte de drague avec laquelle on enlèverait la plus grande quantité possible de sables et de gravats. Quant à la durée des travaux, qui aurait pu les prévoir? Il était peu probable qu'on pût, avant 48 heures au plus, commencer le labeur de déblaiement. Ne satisfaisant personne, ces mesures étaient cependant les seules auxquelles on put songer. On ne se faisait plus d'illusions, mais on essayait d'en éveiller chez autrui. Du reste, le deuil public se manifestait avec son intensité habituelle. Le temps étant très beau, les terrasses de café regorgeaient et le soir, les salles de théâtre furent combles. On eût volontiers préparé une fête, représentation ou bal de gala au profit des victimes, mais puisqu'elles étaient mortes. Le reporter eut une idée de génie pour diminuer la triste victoire du nouvelliste. Un de ses rédacteurs fut dépêché à Londres avec mission d'avertir la veuve de M. Bobby et de la ramener à Paris. Ce qui fut fait. La malheureuse femme, véritablement désespérée de la mort de son brave détective de mari, dut parader sur les boulevards en une voiture sur laquelle planait un étendard noir avec en lettres d'or cette inscription « Le reporter à la veuve du martyr ». Une souscription était en même temps ouverte dans ses colonnes afin de mettre Madame Bobby à l'abri du besoin. Le journal s'inscrivait pour 1 000 francs. En même temps, le nouvelliste, qui n'entendait plus se laisser distancer, faisait appel à tous les journalistes, à tous les intellectuels, pour que fût élevé à la mémoire de la bergère, le héros du reportage, un monument dont l'exécution fut confiée au grand Rodin. On rêvait une statue rappelant le Moïse de Michel-Ange, dont les cornes électriques symboliseraient la nature de l'accident où il avait péri. Il n'était que Sir Russell Random dont nul ne se préoccupa. Après tout, il était le véritable auteur responsable de la catastrophe. Déjà, de ses prétendues inventions, John Coxward avait été la première victime, et voici que ses fantaisies pseudo-scientifiques avaient encore causé la mort de 3 personnes. Seul Émile Gautier, le chroniqueur scientifique, élevait la voix en sa faveur et, dans un article sérieusement documenté, exposait la théorie des terres rares et du vrillium. L'avenir réhabilitera Sir Russell, victime irresponsable d'un accident, tout à fait indépendant de sa volonté et dû seulement à l'incurie de l'édilité parisienne. Suivait une charge à fond de train sur les hauts fonctionnaires de la préfecture de la Seine. 24 heures s'étaient déjà écoulées quand on signala l'arrivée à Paris de Miss Mary Redmore, la fiancée, hélas déjà veuve, de Sir Russell Random. La malheureuse jeune fille, qui portait à Sir Russell une profonde affection, avait voulu apporter l'hommage de son inconsolable douleur sur cette tombe effrayante où nul vestige ne rappelait plus le souvenir de celui qu'elle avait aimé. Elle était accompagnée de son père, l'énergique M. Redmore, qui, ayant pris définitivement le parti de sa fille et n'admettant pas les responsabilités des Français dans cette horrible catastrophe, se mit immédiatement en rapport avec nos plus éminents avocats d'affaires. Il était décidé à intenter un procès à la ville de Paris et à lui réclamer, au nom de la famille de Sir Hassel, dont il s'était fait confier les pouvoirs, des dommages et intérêts qu'il évaluait à 20 000 livres sterling, c'est-à-dire à 500 000 francs. Une complainte se vendait sur les boulevards. On sait, écoutez l'histoire, qu'on ne pourrait pas y croire, d'un Anglais qu'un triste sort précipita dans la mort. À Blériot faisant la pige, armé d'une simple tige, il s'imaginait, pauvre homme, à l'aide du vrillium, voler à travers l'espace, voir le soleil face à face. Il est tombé dans un trou où ce qu'on ne voit rien du tout. L'éditeur de cette œuvre, qui se chantait sur l'air de Fualdès, fit une fortune rapide. Mais peut-être est-il nécessaire de dire maintenant ce qu'il était advenu des trois protagonistes de cette tragédie.